Douiman. Merci d'être avec nous dans ce journal dont voici le sommaire. 6 journalistes sur 22 candidats ont été primés ce mercredi à l'issue d'un concours intitulé Genre et Média édition 2023 avec pour thème Femmes rurales, piliers du développement. Le Burundi a un marché de 75 000 emplois, c'est ce qu'a déclaré le directeur général de la diaspora et de la promotion de l'emploi des migrants au ministère des Relations extérieures. Ces emplois se trouvent en Arabie Saoudite. Ce mercredi, en guise de lancement du premier déploiement légal des travailleurs migrants burundais, 11 filles et femmes ont pris leur vol à destination de l'Arabie Saoudite pour faire des travaux domestiques. Et le directeur de l'Ecofo Kayombe, en commune de Bougalama dans la province de Rumonge, est suspendu de ses fonctions depuis le 12 mai courant. Pascal Harerimana aurait trempé dans le détournement des tôles. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. 6 journalistes sur 22 candidats ont été primés ce mercredi à l'issue d'un concours intitulé Genre et Média édition 2023 avec pour thème Femmes rurales, piliers du développement. Marie-Claire Kazeneza, journaliste de la radio Isanganiro, est parmi les heureux gagnants. Agathoni Kebarakoukouza, secrétaire du projet Média Paix et Genre à l'Association des femmes journalistes, AFJO, indique que de telles compétitions permettent aux journalistes de traiter des sujets sensibles au genre. Il ajoute que ce genre de production donne aux décideurs une idée des données nécessaires pour la prise des décisions. La valeur ajoutée de l'organisation du prix Genre et Média, c'est de pouvoir encourager les journalistes à travailler sur des questions liées au genre qui ne sont pas souvent évoquées dans les médias. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, c'est aussi pour encourager les journalistes à tendre le micro aux hommes et aux femmes quand ils vont sur le terrain pour faire le reportage ou pour préparer les émissions. La valeur ajoutée est que les questions qui ne sont pas souvent évoquées dans les médias, c'est l'occasion de les évoquer et de pouvoir donner l'opportunité à ceux qui doivent planifier, décider, de recevoir les informations et les données nécessaires sur ces domaines qui ne sont pas toujours évoqués. Lorsque la femme n'a pas la parole dans les médias, je dirais qu'il y a une lacune parce que les médias constituent un canal où les gens s'expriment pour que les décideurs puissent savoir leurs préoccupations, leurs capacités. Et alors si les préoccupations de la femme ne sont pas exprimées, et si on ne sait pas ce dont elle est capable, il est difficile de pouvoir en tenir compte dans les planifications. Par contre, quand on sait ses préoccupations, quand on connaît ses capacités, il est facile de l'inclure et de lui permettre de donner sa contribution. Auréa était au nombre de 22, dont 15 hommes. Et ceux qui ont été primés, c'était 3 hommes et 3 femmes. Ok. Et 4 nouvelles radios communautaires ont reçu ce mercredi l'autorisation d'émettre de la part de l'organe régulateur des médias CNC. À côté de ces médias, la radio Inhumbero FM a été rouverte après une période de suspension après l'Assemblée générale de 2 jours. Vestine Nahimana, présidente du Conseil national de la communication, a annoncé la fermeture de la radio Music FM pour cause de non-respect de la loi régissant la presse au Burundi. On l'écoute. On avait essayé d'échanger sur les points saillants qui vont être analysés au cours de cette assemblée ordinaire qui se tient chaque fois, une fois le trimestre. L'assemblée plénière ordinaire du troisième trimestre vient de se tenir en date du 16 et du 17 mai 2023. Elle a été couronnée de succès par une prise de décision pas moins importante, mais plutôt importante. On a analysé un dossier relatif à l'ouverture, à la réouverture de la radio Numbero FM qui se trouve en Ngozi. Cette radio avait été suspendue et a été réouverte cette fois-ci avec des localisations vers la province de Ngozi. Cette radio n'a pas pu satisfaire les attentes du Conseil national de la communication et a été encore une fois suspendue. Nous avons pris la décision de la ouvrir pour continuer à vaquer à ces activités. Nous avons analysé ensemble les médias avec qui nous avons

apporte la preuve qu'il jouit d'une autonomie administrative et financière, qu'il pose des actes qualifiés commerciaux par la loi, qu'il n'est pas une entité ou une agence qui dépend de l'autorité contractante ou du maître d'ouvrage. Les associations sans but lucratif n'ont accès à la commande publique que dans l'hypothèse où la compétition ne s'exerce qu'entre elles. Pour la personne responsable des marchés publics, l'article 16 stipule qu'en l'absence de délégation spécifique, la personne est responsable des marchés publics et, pour l'État, le ministre est responsable du secteur concerné, l'administrateur communal pour les communes et pour les établissements publics, les administrations personnalisées, les autres agences ou offices, les sociétés publiques, les sociétés mixtes, les sociétés privées visées à l'article 3 de cette loi, c'est le directeur général. Des obstacles ne manquent pas au regard des définitions évoquées dans ce code de 2018. C'est à travers l'article 5 où on parle notamment de manœuvres frauduleuses et manœuvres obstructives. Pour la première, ce sont des actes par lesquels une personne agit ou s'abstient d'agir ou dénature des faits intentionnellement ou tente d'induire en erreur une personne ou une entité afin d'en tirer un avantage financier ou de toute autre nature ou se dérober à une obligation. Quant à la manœuvre obstructive, il s'agit des actes par lesquels une personne détruit, falsifie, altère ou dissimule délibérément les preuves sur lesquelles se fonde une enquête en matière de corruption ou de manœuvre frauduleuse, coercitive ou collusive ou fait de fausses déclarations aux enquêteurs en vue d'entraver l'enquête. Elle s'entend aussi comme des menaces, harcèlement ou intimidation faits à une personne afin de l'empêcher de faire part d'informations relatives à une enquête ou de poursuivre cette dernière. Léonce Vitario. Suspension de ses fonctions de directeur de l'Ecofo Kayombe en commune de Bugarama de la province Rumonge depuis ce 12 mai courant. Pascal Harerimana aurait trempé dans le détournement d'une trentaine de tôles à l'Ecofo Mourazi de cette même commune scolaire quand il y était directeur. Une suspension intervenue après celle du chef collinaire de Kayombe cité dans ce même dossier. Selon l'administrateur communal de Bugarama, les deux personnes et le maître responsable à l'Ecofo Mourazi sont interrogés étant libres. Jean-Pierre Misako. 28 tôles sans trace, parmi 130 tôles dont 105 émanant de la présidence de la République du Burundi et 25 autres tôles de la contribution des parents pour la couverture des salles de classe construites par les parents lors des travaux communautaires à l'école fondamentale Mourazi sont scellés à l'origine de la suspension de ses fonctions de Pascal Harerimana, directeur de l'école fondamentale de Kayombe. Dans sa correspondance adressée à Pascal Harerimana, le directeur communal de l'éducation de Bugarama dit se référer aux enquêtes du 14 avril 2023 menées par une commission mise en place par l'administrateur communal de Bugarama sur l'affaire du vol des tôles à l'école fondamentale Mourazi, dirigée lors du dit vol par Pascal Harerimana. Cette commission, après des soupçons de la population de Kayombe, soulevée lors d'une réunion de sécurité y animée le 7 avril 2023 par l'administrateur communal de Bugarama, comme quoi il y aurait eu détournement des tôles à l'école fondamentale Mourazi, a constaté son manquement de 28 tôles sur cette école, alors dirigée par Pascal Harerimana, selon Jean-Marie Nduimana, administrateur communal de Bugarama. Alors que cette lettre de suspension invite Pascal Harerimana à passer à la direction communale de l'éducation de Bugarama pour récupérer une lettre de réaffectation, une certaine opinion estime qu'il s'agit là d'une façon de jeter dans les oubliettes ce dossier. Mais pour l'administrateur communal de Bugarama, ce dossier dans lequel sont indexés le chef collinaire de Kayombe récemment suspendu et le maître responsable à l'école fondamentale Mourazi, comparaissant étant libre, suit son cours normal dans les instances judiciaires de Rumonge. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre. Missago et l'impunité est l'une des causes de la recrudescence des cas d'insécurité qui s'observent en commune de Bururi ces jours-ci, où des embuscades sont tendues contre des innocents. Cela a été dit ce mardi par certains chefs collinaires de cette commune. C'était au cours d'une réunion organisée par l'assistant du ministre de l'Intérieur à l'intention des administratifs et policiers de cette province. Général de brigade Nibonabonan Cizé Célestin appelle le corps de la magistrature à traiter convenablement ces dossiers en rapport avec ces cas de criminalité de Bururi Zénon Zambi. Ces chefs coronaires de la commune de Bururi qui se sont exprimés ont fait savoir qu'ils sont préoccupés par ces cas d'embuscade qui sont tendus ces jours-ci aux innocents quand ils rentrent chez eux pendant la nuit, surtout sur la colline Mugozi et ses environs où des cas d'assassinat ont été même enregistrés. Ces élus collinaires disent que l'impunité serait l'une des causes de cette insécurité en commune de Bururi et ont peur que les présumés auteurs de ces cas d'embuscade déjà arrêtés risquent d'être relâchés sans être jugés et condamnés. Ils accusent certains OPJ œuvrant à Bururi de relâcher quelquefois les auteurs de différentes infractions arrêtées par les membres du comité mixte de sécurité. À ce sujet, les officiers du ministère public rejettent ces accusations, mais des fois, un présumé auteur d'une infraction peut être libéré suite au manque de témoins à charge, indiquent ces magistrats. Général de brigade Célestin Nibonabonan-Fissé, assistant du ministre de l'Intérieur au cours de cette réunion qu'il a organisée ce mardi à l'intention des administratifs et policiers Evrois à Bururi, a appelé les membres du corps de la magistrature, chacun à son niveau, à traiter soigneusement ces dossiers en rapport avec la criminalité pour faire face à l'impunité qui est quelquefois source de différentes infractions, comme l'ont souligné les élus collinaires de la commune de Bururi. Et selon lui, l'arrestation du présumé auteur d'une infraction ne suffit pas. Il faut le charger et suivre de près son dossier depuis la police judiciaire jusqu'au tribunal. Général de brigade Nibonabonan-Fissé Célestin appelle les chefs collinaires à collaborer convenablement avec les policiers parrains collinaires en se donnant des informations en temps réel, surtout qu'ils ont récemment bénéficié de téléphones portables. Depuis Bururi, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro. Parle, rassure-moi. La rétention de l'information sur des faits du passé douloureux peut entretenir la propagation des messages haineux. Explication d'un historien enseignant d'université, Évariste Ngaïmenda, fait savoir que la culture de la population peut être l'un des facteurs de cette rétention. Cet expert suggère la sincérité des témoins oculaires de ce passé douloureux. Mireille Kanyang. On peut s'interdire de revenir sur le passé suite à la culture d'une population, explique l'historien et enseignant d'université Évariste Ngaïmenda. Un de ces facteurs, c'est d'abord la culture de la population, du peuple concerné. En général, quand on a perdu un membre de la famille, on ne prononce plus son nom. C'est ce qu'on appelle un Kirundi, un bon Kirundi, Kudea. Si on s'interdit de rappeler son nom, ça veut dire aussi qu'on essaie de s'interdire de revenir sur les circonstances de sa disparition. La deuxième chose, c'est que souvent, on cherche à regarder vers l'avenir et on s'interdit de revenir sur le passé dans l'espoir qu'on va sauver les relations par rapport à l'avenir. Autre chose, ça peut également résulter d'une stratégie calculée de survie. Une telle détention de l'information sur le passé douloureux a des conséquences multiples, notamment sur la progéniture qui peut manifester un rejet. Quand vous retenez trop l'information et que les enfants sont obligés d'apprendre la vérité de l'entourage, des voisins, d'autres membres de la famille et pas nécessairement les parents les plus proches, eh bien, il peut y avoir au sentiment un rejet du parent survivant, par exemple, ou de l'aîné survivant qui a caché l'information. Et souvent, les cadets ou les enfants ne vous le pardonnent pas. Et du fait qu'ils ont reçu l'information ailleurs, et c'est une information non contrôlée, vous ne savez toujours pas s'ils ont eu la bonne ou la mauvaise information, eh bien, ils développent une certaine rancœur. Et il y a, comme si vous voulez, un contentieux qui ne parvient jamais à être réglé, d'autant plus qu'il n'est pas publiquement vécu ni exprimé. Ce qui fait que leur personnalité, parfois brisée, ils versent dans le ressentiment, ils versent dans l'intégrisme. Et vous vous épargnez même l'effort d'expérimenter sa personnalité. Il est d'office condamné ou béni pour ce qu'il est en fonction en fait de l'histoire personnelle de l'individu. La libération de la parole par des témoins oculaires sincères peut limiter la propagation des messages haineux. Les conditions préalables de libération de la parole, c'est bien sûr de laisser la parole aux témoins oculaires. Et les témoins oculaires eux-mêmes doivent être éduqués à l'école de la sincérité. Je ne dis pas de la vérité, l'école de la sincérité. Ça veut dire livrer l'information telle qu'on l'a vue, ou à la limite telle qu'on la perçoit en âme et conscience, sans souci d'égarer l'interlocuteur et l'opinion. Et ça, ça relève de ce qu'on appelle l'éducation civique. Cela exige aussi qu'on donne la parole aux scientifiques, c'est-à-dire qu'on investisse dans la recherche. Et malheureusement, dans les sociétés clivées, les chercheurs se mettent au service des causes qui n'ont rien de scientifique. Donc, il y a récupération de la pensée scientifique, il y a en fait subordination de la pensée scientifique à la politique. Et là, il y a faillite de ce qu'on appelle l'éthique de responsabilité. Pour Évariste Ngaïmenda, toute histoire a ses faces et ses revers. Il faut chercher à dépasser cela. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.